Lundi 1er octobre, 6h30, le pas suspendu de la Cigogne. Dimanche matin, nous sommes descendus, Jean-Marie et moi. Le ciel est gris, il n'y a pas de vent. L'ambiance est japonaise. Autour de nous, tout s'est arrêté, tout est en suspension calmée ou hâtée. Il y a Momo la Kayole, Ali le Comorien, avec lequel Jean-Marie court un moment, il y a aussi Nasser égyptien avec qui je fais une partie d'échecs, Zé puis une deuxième encore. La cour, le ciel, l'atmosphère entière retiennent leur souffle. Les draps tressés en corde des yo-yo se balancent mollement comme des queues de cerf-volants impavides. Rien d'autre ne bouge. On ne se parle pas, presque on chuchote. Les bâtiments des Baumettes, dans ce ciel pâteux, flottent, pareils à des jonques immobiles sur la grande mer de Chine. À midi, j'ai trop mangé. Depuis que je suis avec Jean-Marie, j'ai l'impression que je bouffe doublement. Je prépare à chaque repas une salade en entrée, une salade de saison composée de tomates, de champignons ou de courgettes, qui vient compléter le repas de la gamelle. Nous terminons toujours par un café gourmand. J'ai le ventre plein et je pète trop, c'est gênant. Comme le dit Jean-Marie, quand on partage une cellule, à deux ou à plusieurs, péter c'est le plus emmerdant. Je le renvoie à l'étymologie grecque du mot organe, organon. Nos ventres sont de grandes orgues et nous jouons de la musique par tous nos trous. Décidément, l'homme n'est pas un animal furtif. La semaine à venir, je me promets de faire un peu de diète. Dehors il pleut. Avec Jean-Marie, nous passons l'après-midi en cellule. Notre cellule est douce à présent. Jean-Marie a décidé de faire du bricolage, il nous fabrique un porte-poubelle en bouteilles plastiques. Il refuse le jeter par la fenêtre, tel qu'il se pratique ici par tous. Il doit être un peu écolo. Il va falloir changer mes habitudes. Sur le fond, je trouve ça bien, même s'il nous faut cantiner les sacs poubelles. Peut-être un jour, les Baumettes inaugureront le tri sélectif. Heureusement, tout de même que nous sommes parmi les rares, et peut-être les seuls, à ne pas tout balancer par en dehors. Comment pourrais-je alors confectionner mes jeux d'échecs? Plus tard, nous faisons Jean-Marie et moi une nouvelle leçon de mathématiques, nous étudions aujourd'hui les limites d'une fonction. Je me suis fait chauffer un verre d'eau pour le café. Tellement concentré je suis, que j'en oublie de débrancher le toto. Jean-Marie, penché sur sa feuille de calcul me dit distraitement, ça sent le brûlé. En effet, l'eau s'est évaporée du verre. Le verre éclate, le toto est devenu tout bleu. Il est grillé. Je suis vraiment désolé. Jean-Marie a laissé le sien dans son ancienne cellule. Il ne m'en veut pas, ça arrive tout le temps me dit-il. Nous n'aurons plus d'eau chaude pour un moment. Ainsi vivent et meurent les totos en prison. Descendons-nous toujours. Pis que cela, nous tombons. Ça fait maintenant un mois entier que je suis en détention. Comme dit Jean-Marie, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Découverte, bousculement, peurs aussi, et voyage. Voilà le terme. Voyage. La prison est un voyage immobile certes, un voyage entre quatre murs ou en rond dans une cour, mais un voyage tout de même. Un voyage du haut vers le bas, une chute. D'abord, le coup fut brutal, la sensation de tomber, effrayante. À présent, je flotte ici comme en apesanteur, projeté hors du monde. Je suis parmi cet équipage étrange composé de pointeurs, de bandits, de faux alliés, et d'obscures âmes perdues, pris dans une chute vertigineuse qui m'entraîne. Les eux, me voilà plongé dans un abîme social et humain sans fond dans lequel je me sens bien.